Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nos écrans.com pour la 12e édition de Sur nos écrans. Édition un petit peu particulière puisque cette semaine vous n'aurez pas de news concernant les adaptations de comics au ciné et à la télé et nous parlerons uniquement de notre débrief de la première saison ou de la série, parce que pour le moment c'est une série, Marvel's Daredevil donc de Netflix. Est-ce qu'on tient là la meilleure série adaptée de comics? Est-ce que c'est la série carrément de l'année? Nous tenterons de répondre à tout cela. Je suis Mathieu et vous allez écouter la 12e édition de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'll be dead by morning. Well, there will be chaos, rivers of blood in the street. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then they'll disappear, become ghosts. To honor my friend's memory. I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et aujourd'hui avec moi, Arnaud. Salut. Byron. Salut. Il nous fait l'honneur de sa présence, Clément. Salut. Et puis il s'occupe du point Marvel TV depuis le début de la saison, Mulder. Salut tout le monde. Bien, on est d'accord, tout le monde a vu la série. Oui. Non, pas du tout. Ok. Oui. Avant de parler de faire le débrief de la série, on va faire quand même une rapide présentation de celle-ci. Et puis après, on mentionnera peut-être chacun comment on a regardé la série. D'un bloc, en plusieurs fois, en VO, VF, etc. De poser le contexte. Tout d'abord, donc la série Marvel's Daredevil, on a appris en novembre 2013 la création par Marvel Studios en partenariat avec Netflix de 5 séries, donc Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, puis les Defenders dans laquelle tous ces personnages-là se retrouveront. Et puis donc le 10 avril de cette année, Netflix a poussé le bouton et nous a donc enfin donné Daredevil pour cette première saison. La présentation que nous fait Netflix de la série, tout simplement, la série d'action Daredevil de Marvel suit les aventures de Matt Murdock, aveugle depuis l'enfance, mais doté de formidables pouvoirs. Ah bon? Avocat luttant contre l'injustice le jour, il se transforme à la nuit tombée en super-héros combattant le crime dans le quartier contemporain de Hell's Kitchen à New York. Voilà donc la présentation de Netflix. Pour un petit peu situer l'équipe qui travaille autour de ça, la création de la série est par Drew Goddard et Steven S. D. Knight. Drew Goddard a réalisé des épisodes, Steven D. Knight aussi, on a aussi Ken Girotti, Adam Kane, Stefan Sergic et Brad Turner à la réalisation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'important également? La musique est de John Pisano et la photo de Matthew Lloyd. Concernant le casting, Charlie Cox tient le rôle titre, Matt Murdock, Daredevil. Vincent D'Onofrio joue son antagoniste, Wilson Fisk. On retrouve également Elden Henson en Foggy Nelson, Rosario Dawson en Claire Temple, et puis d'autres personnages, évidemment. Vous avez toute la présentation de la série sur le site. Série en 13 épisodes d'environ 50 à 58 minutes chacune, si je me trompe pas. Plutôt 55-58. Il doit y en avoir un qui est plus court que les autres. Il y en a même un qui est plus long, je crois. Il y en a un qui fait 59 quand même. C'est ça, et il y en a un qui est plus court, qui fait à peine 50 minutes. Donc on va dire, voilà, environ 55 minutes par épisode. Diffusé le 10 avril, donc, sur Netflix. La question est donc, comment avez-vous regardé Daredevil? On va commencer par toi, Arnaud. On peut dire d'un bloc. Mm-hmm. J'ai vu les deux premiers la veille, le jeudi soir. Mm-hmm. Et je me suis jeté sur le troisième à 9h du matin, quand tout a été mis en ligne. Mm-hmm. Et j'ai tout enchaîné quasiment sans pause. Ok. Clément, même chose, sauf que toi, tu as fait les 13 dans la même journée. Ouais. J'ai 9h01, j'ai commencé le premier épisode, et comme j'étais quelques pauses, j'ai pu terminer l'épisode 13 à 1h du matin. Ok. Byron? Moi, j'ai regardé l'épisode 1 en français quand il était dispo. J'ai attendu dans la soirée, parce que là-bas, je voulais regarder un épisode par jour, mais finalement, j'ai pas tenu, et j'ai commencé dans l'après-midi. Et j'ai fini à 4h du matin. Okay. Et puis toi, Mulder? Moi, je me suis alors vu le premier épisode le vendredi, jour de la sortie. 4 épisodes, j'irai à 2 par 2 le week-end. Et puis après, c'était un épisode par jour, en fait, durant la semaine, pour finir à 2 épisodes ce week-end-là. Ok. Donc, et puis, moi, j'ai regardé un peu comme Clément et Arnaud. Dès 9h01, pétante, j'ai lancé le premier épisode. Et j'ai terminé mon visionnage à 23h25, un truc comme ça, voilà. On n'est pas du tout carré. Voilà, exact. Bref, Donc voilà, et puis évidemment en VO, hein, j'ai juste tenté un petit peu de VF sur un passage pour voir un peu ce que donnait le doublage, et puis je suis repassé après sur la VO, pour profiter au max de l'expérience, on va dire. Non, la VF est correcte. Hein, elle est bien, mais le Daredevil a vraiment trop la voix de... Bah, le problème, c'est qu'il a la voix d'Iron Man, c'est le même. C'est le doubleur de Robert Downey Jr. Voilà. Ça risque de poser problème s'ils se croisent au cinéma. C'est ça. Mais sinon, le doublage était d'un bon niveau, non? Oui, c'est un bon doublage, une bonne VF, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais voilà, effectivement, le problème du même doubleur que pour Iron Man, voilà, si les deux se croisent au ciné, ça va être embêtant. Mais t'as Agent of Shield a le même problème, je crois que t'as le personnage de Ward qui a le même doubleur que Thor. D'accord. Bon. Comme s'il n'y avait pas assez de doubleurs en France. Ouais, mais je pense pas qu'ils vont se croiser. Bah, il y a des rumeurs quand même. Ben voilà. Allez, on va lancer le débat maintenant sur le débrief de cette série. On va enfin vous donner notre avis, même si vous avez déjà eu le mien et celui d'André au moins en partie. Un avis rapide, chacun juste une phrase ou deux, et puis après on déclinera un petit peu plusieurs points sur la série. On va commencer dans le même ordre, Clément. Indéniablement la meilleure série télé de Marvel, la meilleure série télé en matière de comics. Marvel a juste poutré en beauté du comics, ce qui a été en série télé. Ça pose un univers, ça pose un scénario, ça pose une ambiance. J'ai vraiment rien à redire sur la série. Les acteurs sont, je dirais bien parfaits, mais en fait, ils sont excellents. Et vraiment rien à redire. Ça a été une excellente surprise. Et c'est une série qu'on peut se faire en ce qu'on appelle en beach watching, parce que voilà, c'est tellement bien foutu, le scénario est tellement bien pensé, les épisodes s'enchaînent tellement bien que c'est difficile de pas savoir la suite. Non, vraiment, c'est une réussite totale. Ok, Byron. Je suis de l'avis de Clément quand il dit que c'est la meilleure série de Marvel et de DC réunies. Mais après, c'est vrai que c'était une super série, mais j'étais quand même déçu par la fin en fait, par surtout l'épisode final qui m'a, moi, enfin, c'est vraiment une super série, mais seulement sur les 12 épisodes là. Et je trouve que le dernier épisode, ça m'a quand même déçu. Et du coup, je serais peut-être un peu moins enthousiaste que Clément, même si c'est vrai que tout au long de la série, les acteurs, même les dialogues, enfin la réalisation, tout est super bien, mais c'est peut-être ce dernier épisode qui moi m'a un peu déçu. Okay. Mulder. Moi ça va être c'est excellent, c'est un très très haut niveau. Et moi la seule réserve c'est que ça Agent of Shield s'adresse à un public grand public. Et là ça s'adresse vraiment à un public adulte, celui de Homeland, celui de série du câble. Je suis moins friand ce genre de série là, mais c'est du très très haut niveau, franchement. C'est vraiment ça poutre les séries de DC de Marvel actuellement, voilà. C'est la meilleure série. OK. Et Arnaud? Pareil que tout le monde, je l'ai trouvée excellente, la meilleure série Marvel. Pas forcément la meilleure série comics parce que elle est pas forcément comparable avec les séries DC, puisque c'est le câble internet et DC c'est les networks qu'il faut attirer le grand public. C'est pour ça que DC faut vraiment qu'il se bouge le cul pour se trouver une chaîne du câble. Et sinon sans doute meilleure adaptation audiovisuelle de comics, ciné télé. OK. Pour ma part, oui, j'ai quand même pris une sacrée claque. Je serais pas resté 13 épisodes à la suite si ça avait été vraiment mauvais. Enfin voilà, si j'ai aussi regardé ces 13 épisodes en chaîne. On aurait pas fait ça avec le... Exactement. J'aurais fait ça avec aucune autre série, en fait. Agents of Shield, même saison 1, par exemple. Non, mais même la saison 2 d'Agents of Shield que je trouve incroyable, je ne la regarderai pas comme ça. C'est vraiment, vraiment génial. La meilleure série de ce début d'année, en tout cas, parmi tout ce que j'ai pu voir, clairement. Par rapport aux autres adaptations de comics, c'est un peu dur de faire la comparaison, mais c'est quand même c'est vraiment le haut du panier. Maintenant qu'on a posé le cadre, avec notre avis rapide, qu'on est plutôt tous enthousiastes, avec un petit bémol du côté de chez Byron, on va décortiquer un petit peu les points. Est-ce que le casting, pour commencer, est-ce que le casting est à la hauteur de l'événement de cette série? Parce que quand même, Netflix se vante de proposer des séries de qualité, avec belles réalisations, de bons acteurs. Le MCU nous a rarement déçus en termes de casting, donc est-ce que pour Daredevil, on est gâté? Et est-ce que les acteurs sont vraiment à la hauteur? Arne? La réponse, oui. Au-delà de mes espérances, même. Parce que je connaissais quelques acteurs ou actrices et j'avais du mal à en voir certains dans leur rôle qui était attribué. Et ils m'ont vraiment tous bluffé. Charlie Cox est aussi bon en Matt Murdock qu'en Daredevil. Deborah Ann Hall, elle est vraiment géniale en Karen Page. J'avais peur pour Foggy, et ils ont bien su trouver le juste milieu avec le personnage, de pas trop en faire avec lui, de pas trop le rendre ridicule. Et puis Vincent D'Onofrio est juste magistral en Kingpin, hein, en William Fisk. Hein. Puis Rosario Dawson est vraiment excellente aussi, mais je suis déçu qu'on l'ait vu que pour 5-6 épisodes. Ouais. Je vais rebondir sur ce que tu as dit concernant Deborah Ann Hall en Karen Page, parce que moi, c'est pour moi le point faible du casting. C'est vraiment celle qui m'a le moins convaincu parmi tout le casting. Donc est-ce que les autres, vous êtes plutôt d'un ou de l'autre côté, des deux côtés? Peut-être plus de ton avis. Enfin, c'est pas mauvais, hein. Ce qu'elle fait, c'est pas mauvais. Disons qu'elle est dans le rôle, elle fait son job. Mais c'est vrai que par rapport aux autres personnages, que ça soit Matt Murdock ou même comment il s'appelle le journaliste Yorick, Ben Yorick, c'est vrai qu'elle était assez assez effacée, assez fade par rapport aux autres personnages, aux autres acteurs. En fait, est-ce que le problème vient de l'actrice ou du personnage justement? Peut-être du Parce que le personnage est assez en retrait. Elle sert de faire valoir plutôt qu'autre chose, parce que elle a pas vraiment d'intrigue à elle-même, elle est toujours soit associée à Foggy, soit à Ben Urich, elle a pas d'intrigue propre, disons. Et donc, c'est pour ça que je pense que l'actrice a pas vraiment pu montrer tout ce qu'elle était capable, et que le personnage va plus se développer en saison 2. Déjà, il y a eu plein de petits sous-entendus sur son passé, etc., qui sera sans doute développé dans la saison 2. Et du coup, je pense que le personnage va vraiment se révéler plus tard quand elle aura enfin sa propre intrigue à elle-même. Mmh. Byron, concernant le casting, et peut-être plus particulièrement Karen Page. Moi, je trouve que j'étais quand même plutôt bien, parce que c'est vrai qu'elle a, comme Arnaud l'a dit, elle a eu pas grand chose à faire, mais après, je trouve que, par exemple, les premiers épisodes, où on la voyait vraiment beaucoup, puisqu'elle était quand même un peu au centre de l'intrigue, notamment du premier, elle fait un très bon boulot, je trouve quand même, donc, moi, je trouve qu'il y a pas grand chose à dire sur ça, il y a rien de... Okay. Bon, c'est justement dans les premiers épisodes, et surtout dans le premier et le deuxième à la rigueur, dans son début de relation avec Foggy, où là franchement je la trouve à côté, quoi, par rapport aux autres, je la trouve pas dedans. Après effectivement ça s'améliore, mais vraiment sur ce début de saison, j'ai vraiment vraiment pas aimé. Voilà. Mulder, le casting? Moi c'est largement convaincu, hein. Enfin, le Charlie Cox, j'avais déjà repéré dans Broadbent Empire et je sais pas qu'il pouvait être si bon. Vincent Lofrio, impeccable, rien à dire. J'avais juste un souci avec Foggy Nelson, mais c'est juste parce que le personnage en lui-même, j'ai un problème avec lui dans le comics, donc là, l'acteur a trouvé le bon level, quoi. Après Deborah Ann Hall, pareil, j'ai trouvé... elle m'a surpris, en fait, parce que je la connais de True Blood, elle vient de là, quand même, et je pensais pas qu'elle pouvait être bonne actrice, et du coup, voilà, c'est ça le problème. Sinon, restant, Ben Ulrich est bien aussi. Hein. Vondi Curtis Hall. Voilà, et plutôt effectivement très très bon dans son rôle. Moi, Foggy, c'est un coup de cœur. Hein. Ah ouais. Clairement, Elden Henson a vraiment trouvé le jeu juste pour le Foggy, et même le personnage en lui-même a une place vraiment intéressante et des relations vraiment intéressantes avec tous les personnages. Et puis c'est souvent de lui qu'arrivent les situations un peu cocasses, un peu marrantes, mais c'est pas pour autant le clown de la série. Ah, mais ce que j'allais dire, c'est que c'est le personnage qui va t'apporter une petite dose d'humour, je sais pas si le terme fraîcheur ça va, mais en tout cas, qui va atténuer l'aspect quand même très sombre de la série. Mmh. Et ce personnage, c'est vraiment un gros point fort, comme l'acteur d'ailleurs, moi, c'est comme ça, j'ai eu un gros coup de cœur pour cet acteur. Je trouve qu'il incarnait le personnage, quoi, même si je le connais pas, mais en tout cas, il était hyper convaincant, et même en ne connaissant pas le personnage de base, ça rendait le personnage vraiment, vraiment très bien, quoi. Et en plus, c'était juste qu'il est, le personnage est crucial dans l'intrigue, en fait, quand on regarde bien c'est à cause de lui, s'il y a toute une remise en question de Matt Murdock. Enfin, c'est lui qui démarre le truc, quoi, vraiment. Mm-hmm. Arnaud, tu allais dire? C'était pour rebondir ce que vous disiez, c'est le personnage qui amène une dose d'humour sans être le clown de service comme tu disais, mais ils oublient pas non plus que c'est aussi un personnage à part entière qui est pas juste là pour faire baisser l'intensité dans certaines scènes. Il apporte aussi un autre aspect plus tragique, plus dramatique, notamment avec la mort de Miss Cardena. Ouais. Et du coup, c'est intéressant de développer vraiment le personnage comme un vrai personnage et pas juste un élément humoristique pour décharger l'intensité d'une scène. C'est vrai. Bien, on va tourner la page du casting et on va passer maintenant aux intrigues, parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la série. Question. Les intrigues développées tiennent-elles la route ? Sont-elles tout simplement satisfaisantes ? Est-ce que vraiment, pour une série en 13 épisodes, voilà, on a vraiment un scénario qui se développe, qui suit un fil rouge et voilà, et qui se boucle sur la saison, ou alors est-ce que ça part un peu en vrille et on a de quoi être déçu ? Moi, je t'avouerais que c'était bien foutu, le scénario était bien foutu, tu vois qu'ils ont bien réfléchi à leur truc, la structure des 13 épisodes est vraiment à ça. Parce que du coup, on n'a pas, on va dire, le standalone et tout le bordel comme ça, quoi. C'est le fil rouge omniprésent, point. Maintenant, quand tu fais le dishwatching, les intrigues sont tellement denses, tellement omniprésentes. Honnêtement, moi, à la fin, j'étais un peu perdu. Parce que voilà, t'assimiles tellement d'éléments par rapport aux intrigues que tu peux t'y perdre. Après, je sais pas ce que ça pourrait donner si tu regardes un épisode, on va admettre toutes les scènes qui sont peut-être différentes, mais quand tu regardes tout un bloc, à la fois, tu trouves ça, bah, c'est très bien pensé, très bien foutu, c'est vraiment ce qu'on attend. Mais de l'autre, voilà, c'est tellement poussé, ça part tellement pas loin, mais en tout cas, ils veulent vraiment exploiter le fil rouge à fond que ça peut être confus au bout d'un moment. Ok. Les autres sur ce peut-être le mode de visionnage qui peut altérer la perception de l'intrigue ou alors sur complètement l'intrigue en général. Vous avez... Ah non, le mode de visionnage joue à fond quoi, parce que moi je l'ai vu un épisode par jour et je crois que t'as un temps entre chaque épisode qui joue. Enfin, l'intrigue globale en fait des 13 épisodes ne se joue pas sur 13 jours. Une journée, elle se joue sur je crois un bon mois, deux mois. Oui, à peu près. Ouais, même peut-être plus, ouais. Oui, oui. On n'a jamais parlé d'un épisode d'une journée. Non, c'est pour le ressenti en fait en tant que spectateur. Qu'est-ce que le mode de visionnage peut altérer, parce que les personnages évoluent mais en deux mois, et alors que quand on regarde ça en 13 d'un bloc, en 13 heures, on va dire. Ouais, en 13 heures, voilà, ça peut peut-être changer notre ressenti à nous, quoi. Moi, je dirais non, pour l'avoir fait. Non, puis d'accord. Ailleurs, quand tu regardes un film au cinéma, genre un biopic par exemple, effectivement, t'as la vie complète de la personne et pourtant tu la ressens, voilà. Mais c'est vrai que il y a eu quand même des moments où, en le voyant comme ça en bloc, il y a des moments quand même où c'est logique quand même, toi tu décroches, tu perds un peu le fil, voilà. Et peut-être qu'il y a des choses dont tu ne profites pas vraiment. C'est pour ça qu'il faut un deuxième visionnage. Comme Clément disait, c'est bien qu'il y ait que le format câblé, 13 épisodes. Vraiment feuilletonnant, sert la série. Ça, c'est... Ah bah oui, 22, ça aurait été... Ça aurait été impossible. Et c'est ce que je pense qui est le format qu'il faudrait pour à peu près toutes les séries du genre. Et vraiment, d'avoir une série feuilletonnante, c'est très appréciable. On sent vraiment l'articulation des intrigues, de l'évolution des intrigues. C'est pas factice. Mais quand même, j'ai trouvé que la seconde partie de saison était peut-être plus confuse, plus rapide que la première partie, notamment sur Wilson Fisk. J'ai eu l'impression que à partir du moment où il devient public, sa chute en fait arrive très rapidement, surtout dans le final, ça arrive très très vite. Et je rejoins ce que disait Byron au début, c'est que le final est peut-être un poil décevant. Parce qu'il arrive, les événements se déroulent un peu trop vite. Mm-hmm. Il aurait fallu, démarrer certains événements du final dès la moitié de l'avant-dernier épisode, je pense. Il aurait fallu amorcer certains éléments dans l'avant-dernier épisode. Ok, justement, moi, je pense que effectivement le rythme s'accélère en deuxième partie de saison. Ce que tu dis sur le dernier épisode, justement, je pense l'inverse. Parce que pour moi, Wilson Fisk, de la manière dont il est développé, dont il est présenté, l'emprise qu'il a sur la ville, sur le quartier, etc., c'est quelqu'un qu'il faut frapper fort et vite. Ouais. Sinon, tu ne le fais pas tomber. C'est pas un personnage, c'est pas un méchant que tu vas démonter brique par brique. C'est un mec qu'il faut exploser très vite et très fort. Et c'est exactement ce qu'ils font dans le final. Et c'est pour ça que pour moi, le rythme est juste sur l'intrigue. Et même sur l'intrigue du final. Après, effectivement, ça précipite les choses. Et peut-être qu'on peut avoir quelques frustrations qui sont amenées par ça. C'est clair. Moi aussi, j'en ai eu quelques-unes. Mais je pense en tout cas que le rythme pour cette chute de Fisk devait être celui-là. Quand tu démontres ça dans la série même, on te montre qu'ils n'arrivent pas à le faire, à te démonter lentement. Donc l'ultime recours, c'est de le démonter, mais 40 secondes, enfin, façon de parler en 5 minutes, quoi. Le truc, c'est que, d'un coup, il y a tous ses associés qui l'abandonnent, et Daredevil qui vient l'attaquer. Il aurait pu déjà amorcer le, enfin, sans que Madame Gao et tous les autres l'abandonnent 3 épisodes à l'avance, on aurait pu voir des sortes de complots derrière son dos, pour qui nous fait dire que d'accord, ils vont commencer petit à petit à le lâcher, à le trahir, etc. Ça arrive d'un seul coup dès le final. Oh non, ça, t'as ça en amont de 3 épisodes. C'est lui qui sont pas, c'est lui qui voit pas. Ça se sent qu'ils perdent de plus en plus confiance en lui, mais de là à dire qu'ils vont se jeter dans l'arène pour le virer, ça arrive assez tard. En même temps, ils sentent aussi le vent tourner et ils réagissent eux aussi assez vite. Mais non, enfin, c'est vrai qu'on le sent quand même. C'est un vrai panier de crabes, cette association-là, entre les différentes organisations mafieuses. On sent bien que chacun n'attend qu'une chose, c'est que l'autre fasse un faux pas et de... Oui, non, mais ça, on le sent dès le départ. Ils s'engueulent dès le départ et dès que les Russes font un pas de travers, ils sont virés. Voilà, c'est un véritable panier de crabes, ce groupe-là. C'est mais incroyable. Le fait que Fisk perde sa place et que direct les autres l'attaquent, ça aurait pu être amorcé de manière subtile à la fin de l'épisode 12. C'est ça, en fait, qui m'a frustré. Oui. Mais ça se comprend, y a pas de... Sur le reste de l'intrigue, et peut-être sur les autres choses que l'intrigue principale de la mafia, de Fisk, etc., peut-être concernant Claire Temple, concernant Ben Urich aussi, qui a une sacrée intrigue avec son enquête, etc. Est-ce que ces intrigues, on va dire, secondaires, sont satisfaisantes? Oui. Globalement, oui. Mais en même temps, comme je disais, pour Claire Temple, je suis resté sur ma faim, je voulais l'avoir davantage, surtout que dans la deuxième partie de saison, elle a une scène de 2 minutes. C'est à peine elle arrive, bonjour, je te soigne et puis je me casse. C'était pas assez. Pour Ben Urich, c'était très surprenant. Sa mort était très surprenante. Ouais. Pour le coup, là, on peut pas dire qu'ils ont pas frappé fort. Hein. Surprenante et dommage, je trouve. Ouais. Ouais, il grille des cartouches très rapidement. Et quand on compte le nombre de personnages qui auraient eu un fort potentiel pour l'avenir et qui y sont passés cette saison, il y en a quand même un paquet. On peut rajouter les Landosley aussi. Oui. Et puis, je pensais que Ben Urich aurait été un personnage lien pour les 4 séries, comme Claire Temple est censée l'être, quoi. Oui, parce qu'avec son métier de reporter, etc., oui, effectivement, il aurait pu être le lien entre toutes les séries. Eh ben, non. À moins que... Ce sera plutôt Matt. Peut-être. Encore que les séries ont l'air quand même de fonctionner par binôme. Hein. Ouais. C'est-à-dire Daredevil avec Iron Fist et puis Luke Cage avec Jessica Jones. Enfin, voilà, on a vraiment 2 binômes de séries. On peut très bien avoir Matt Murdock apparaître dans Jessica Jones juste parce qu'il est avocat et que sur une affaire. Il y a une intrigue dans la série Alias avec où il vient aider Jessica Jones. Oui, non, on pourrait très bien le voir faire un petit passage dans la série, c'est clair. Ils ont pas pu faire de clin d'œil à Jessica Jones dans Daredevil parce que l'actrice a été castée la dernière semaine de tournage. Oui. Mais... Remarque, ils se font les clins d'œil à Ryan Fust, le personnage est toujours pas casté. Oui, c'est vrai. Mais ils sont plus subtils, là, c'est l'histoire de petits symboles qui sont cachés. On y verra plus tard dans les clins d'œil, hein, mais. C'est clins d'œil, mais c'est pas des caméos. Ils annoncent pas mal d'intrigues qui vont prendre de l'ampleur, mais à travers les 4 séries, quoi. Oui. Au niveau des intrigues, des sous-intrigues, on va dire, effectivement, moi je suis aussi comme Arnaud déçu du manque de temps à l'écran de Claire Temple, parce que voilà, c'est un personnage que j'ai aussi beaucoup aimé. J'ai été incroyablement, agréablement surpris de voir à quel point ils ont flirté avec les clichés des triangles amoureux sans jamais tomber dedans. Et pourtant, en première moitié de saison... Ils ont vraiment marché sur la ligne, mais jamais elle a été franchie. Et c'est assez agréable, quoi, parce que j'aurais été un peu dégoûté sur une série comme ça de me retrouver avec un vieux truc à la CW. Quoi. Et pourtant, Nelson avec Karen Page... Ah bah t'as un épisode où ça pue vraiment le triangle amoureux, quoi. Enfin, où t'as l'impression qu'ils vont le franchir, quoi. Ah bah les épisodes 2 et 3 sont quand même... Ouais. Même t'as dû l'avoir super nerveux, quoi. Même en mi-saison, quand la Miss Cardenas leur fait un petit rendez-vous entre Nelson entre Foggy et Karen, et elle, tu comprends qu'elle est plus à fond sur Matt, que tu comprends que là, non, ils vont pas nous ressortir un triangle amoureux. Eh bien non, ils nous l'ont évité. Merci. Est-ce que vous avez d'autres choses à souligner sur les intrigues avant de passer à la suite? Byron, peut-être qu'on n'a pas entendu sur ce point-là. Non, vous avez tout compris. Rien de spécial à ajouter. Alors on va passer maintenant à quelque chose qui m'a marqué dès le départ, dès le premier épisode, c'est l'esthétique de la série. Alors pas l'esthétique uniquement visuelle, mais vraiment, et je tiens à le souligner, l'esthétique également sonore de la série Daredevil. Est-ce que vous l'avez ressenti comme moi, c'est presque une obsession de l'esthétique, quoi. C'est vraiment visuellement et auditivement, enfin voilà, c'est très très travaillé. Je suis un peu plus esthétique, quoi. Je veux dire. Marqué par la musique, il n'y a pas de thème. Ouais, voilà, pareil. Voilà. Visuellement, c'est indéniable. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment recherché, c'est magnifique. Maintenant, moi, je suis un peu plus partagé sur l'aspect sonore. Il y a quelque chose, mais je trouve qu'ils sont pas assez loin, c'est pas assez marquant pour vraiment que j'ai eu cette impression-là. Ok, Byron? Ouais, vraiment pareil que Clément. J'ai trouvé cool, des fois, je sais pas si t'entends par exemple la musique, ou si par exemple les battements de cœur quand... C'est plutôt ça. C'est ça, tu as des épisodes où tu es en permanence, en fond, un espèce de battement de cœur qui s'accélère ou qui se ralentit au fur et à mesure de ce qui se passe. Mais c'est tout ça, c'est la musique, c'est les petits bruitages. Ça c'est bien fait quand même, mais la musique, Et effectivement, ce que tu dis, les battements de cœur et tout ça, c'est génial parce que ça nous fait vraiment percevoir toutes les perceptions, comment Matt Murdock et comment fonctionne les sens. Donc là, je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, moi, c'est plus la musique qui m'a un peu dérangé. Moi, j'ai trouvé la musique vraiment sympa. Elle est sympa, rien d'exceptionnel. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça très, très sympa. Non, parce que moi, je suis du moment où il n'y a pas de musique, justement. Mais oui, parce que c'est aussi, et c'est des moments où il n'y en a pas besoin et où l'image suffit, j'ai envie de dire. Mais le focus sur l'audio, sur les perceptions de Murdoch, Daredevil, enfin je les trouve vraiment sont vraiment bien bien construites. Ils ont vraiment réfléchi à comment rendre autant à l'image que au niveau sonore la manière dont ils voient, dont ils entendent, la manière dont ils se concentrent sur une personne. Oui, c'est super bien foutu. Et là où je parle vraiment d'esthétique sonore, c'est parce que vraiment ces sons-là contribuent aussi à notre expérience à l'expérience de ce qu'on voit, et ils arrivent à être finalement aussi discrets que quelque chose à l'image. Il y a plein de moments où on ne se rend même plus compte qu'à ce petit battement en fond, qu'il y a le focus qui est mis sur un bruit, etc. Enfin, c'est comme si c'était naturel et comme si on le voyait ailleurs, alors que pas du tout. C'est vraiment un vrai travail, et c'est en ce sens-là où moi j'ai vraiment vu une esthétique sonore incroyable. Bon, sur l'esthétique visuelle, du coup, on peut quand même en dire deux mots, notamment sur les premiers épisodes où vraiment c'est assez marquant, quoi. La plongée dans l'atmosphère de Hell's Kitchen, la chorégraphie des combats. Le plan séquence à la fin de l'épisode 2. Le plan séquence incroyable à la fin de l'épisode 2. Ça, à mon avis, ça marquait tout le monde, je crois. C'est ce plan séquence. Je voyais sur Twitter tout le monde qui m'en parlait. J'ai dit, ok, c'est quoi? J'étais pas encore à la page. Mais ça fait référence à Old Boy ou à d'autres. Ouais, ça fait plutôt penser à Old Boy. Hein. C'est plutôt ça la référence. Ok. C'est plutôt une référence au cinéma asiatique, surtout coréen. Voilà, la question étant de savoir, c'est le doubleur ou c'est l'acteur lui-même qui a fait la cascade? Le doubleur. Hein. Ils ont expliqué comment ils ont tourné la scène. D'abord, la caméra était accrochée au plafond sur des rails. Les rails qu'ils ont retirés numériquement. Et en fait, l'acteur, Charlie Cox, rentrait dans une caisse et se cachait derrière la porte. Et t'avais un cascadeur qui sortait, qui claquait la gueule à tout le monde, qui retournait dans la pièce à côté, et t'avais Charlie Cox qui ressortait, etc. Ils ont fait comme ça. Parce qu'ils ont bien joué habilement entre les deux, parce que j'ai l'impression que l'acteur aussi s'y connaît pas mal en combat. Résultat, ils arrivent bien à jouer sur... Mais il a dû s'entraîner, évidemment. Il a dû donner quelques coups, mais quand c'était plutôt... des mouvements assez compliqués à faire, c'était un cascadeur. Bien sûr. Voilà, c'est 5 minutes là dans un couloir. Enfin, dès le deuxième épisode. Ouais. Ils ont expliqué comment ils ont fait. Ils ont dû dire, ils ont passé une journée entière à tourner juste cette séquence-là. Et ils ont dû faire au moins une trentaine de prises. Ah oui, parce que... Il n'y en avait que deux qui étaient bonnes, hein, et une des deux, c'est celle qui a fini dans l'épisode. Ouais. Mais il y a pas que ça, parce qu'évidemment on retient ça. Mais la scène à la fin de l'épisode 4. La voiture Wilson Fisk avec la portière. Oui. C'est là que tu te rends compte que elle est incroyable. Là que tu sens que c'est le câble. Ah ouais, non, c'est... Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que ce soit violent, mais alors cette scène-là, c'est tout. On voit pas explicitement, mais. Il y a pas besoin. Il y a pas besoin. Suffit. Et puis c'est une scène qui est vraiment. En fait, c'est horrible, quoi. Oui, il y a pas besoin. En fait, c'est dingue. Ben moi, dans la scène, c'est plutôt Wesley, moi, qui m'a ouais, génial dans le rôle. Ouais. Enfin, ouais. Impassible, le mec, il fait tout le tour et tout, mais très calme, en train de reboutonner sa veste. Voilà, qui limite va s'essuyer l'épaule. Enfin, c'est ouais. Il a vraiment dans, il contribue aussi à la scène, et voilà, c'est une scène qui est, on montre pas grand chose, mais quand même, on en montre bien assez. Là aussi, les sons sont importants et ouais. Et non, ouais, c'est, et il y en a d'autres, hein, comme ça, des séries, des passages, hein, qui sont très très beaux visuellement. Est-ce qu'on peut dire la même chose du costume, puisque ça fait partie de l'esthétique visuelle aussi. Byron, tiens, le costume rouge. Ah non. Non, il est nul. Ah, il est moche. Ah, il est moche, il est, je sais pas, c'est non. C'est un costume de un premier costume, il va être modifié la prochaine fois qu'on le verra. Ouais, non, mais je veux dire, il y a une raison pour ça, pour le raison pour. Tu peux faire un premier costume beau aussi, tu vois, je veux dire. Ouais, mais ce costume, il est. En même temps, il est aveugle, hein. C'est un truc fait main, vite fait. C'est ça. Ce costume. Ouais, c'est... non, je suis désolé, je veux dire, je veux bien que ce soit fait main ou quoi, mais même le costume de Ben Affleck, il est plus joli que celui-là. Ouais. Honnêtement, franchement, est-ce qu'on peut le virer? Le costume de Ben Affleck colle plus peut-être à ce qu'on peut voir dans les comics. Je suis d'accord. Oui, mais c'est un Daredevil expérimenté. Mais après, je veux bien. Il est là depuis des années. Oui, oui. Là, c'est un mec qui arrive, qui débarque. Je suis d'accord avec ça aussi. Mais le mec, il a fait. Enfin, je veux bien que ce soit été fait à la va-vite ou quoi, mais là, ça fait cheap, quoi. Je veux dire, le truc, il a l'air. Enfin, il fait tout sauf peur avec ce costume-là. Encore la première scène où il a le costume où il est sans son masque et tout là, et c'est plutôt pas mal. Mais quand il est en mouvement ou quoi, enfin, c'est vraiment. La rigueur, le problème, voilà, c'est pas forcément la tenue en elle-même, c'est le masque. Oui, ouais, j'avoue, le masque est pas terrible. Parce que la tenue en elle-même est pas ça. Et ce qui est appréciable, c'est que même le costume a une justification scénaristique. Oui, et c'est plutôt bien. Voilà, ils ont travaillé leurs intrigues et même le costume est justifié par le scénario, est introduit bien avant. On sait pourquoi ce costume est là, peut-être même pourquoi à quoi il ressemble à ça. Et c'est quand même aussi. Non, c'est vrai que c'est bien trouvé, quoi. Mais bon, après, le coup du noir, c'est pour les couteaux et le rouge pour juste les balles ou je sais plus trop quoi. Mais enfin, c'est vrai que c'est un repère pour lui. Ouais, mais en fait, le mec, on donne un costume, tu peux pas connaître le costume par cœur en 30 secondes. Surtout quand tu vois la tête du mec, hein, enfin. Il est aveugle aussi. Bah, non, mais il ressent quand même les couleurs. L'explication du rouge et du noir, je pense qu'il s'en fout un peu. Je veux dire, il va pas choisir. Il voit en partie quand même. Oui, non, mais je veux dire, il va pas choisir où il va se faire tirer dessus. C'est ça que je crois que le personnage qui présente le costume, il est pas au courant qu'il est aveugle, le mec. Non. Oui, non, mais je vois Byron. Le costume, effectivement, il a raison. Le Daredevil va pas dire au mec, attends, tire-moi sur le cul parce que là, c'est du noir. Non, d'accord. Non, mais il se positionne d'une certaine manière pour. Oui. Non, mais je comprends. Non, mais je veux dire, le fait de. Bah, franchement, un costume tout rouge, je trouve, aurait été peut-être mieux, quoi. Parce que bon, là, on a l'impression que c'est. Plus tard. Oui, non. C'est parce que c'est un work in progress. Et il a d'abord eu le costume noir, ensuite il a celui-là, et après il aura le vrai costume que tout le monde connaît. Non, je sais, pas de problème. Mais après, j'étais vraiment déçu parce que je m'attendais vraiment à autre chose, quoi. Parce que son masque, c'est enfin son plutôt casque, quoi. C'est il fait tout sauf, il a l'air de tout sauf d'un diable avec ça. Enfin, ouais. Pour moi, la tenue passe, le casque passe pas du tout. Mais après, c'est l'appréciation de chacun. Moi, je l'adore, le costume, parce que ça fait vraiment costume de combat. C'est le mec, maintenant, il est paré pour Ah, bah là, oui, il est blindé, là. Voilà, chose qui n'était pas prévue pour quand il était en tenue ninja. Ouais, mais je trouve que ça enlève un peu de Daredevil, parce que ça reste quand même un peu du combat un peu street, alors que là, en fait, ils ont voulu coller plus, au Marvel Cinematic Universe, et voilà, ils se sont dit peut-être qu'il y a un Civil War, je sais pas, il faut que ça passe bien. Non, je crois que le costume vient du comics, hein, ça vient de là, ils inventent pas le costume. Ouais, mais justement, c'est pour ça, je trouve que c'est dommage, parce que j'aurais préféré un plus dans le style Ben Affleck, je dis pas que c'est celui-là qu'il aurait fallu, mais un costume plus dans la lignée, traditionnelle, quoi, j'aurais préféré plus, pas moulant, mais... Je sais pas, plus quelque chose en cuir, tout ça. Ça fait comment tu amènes le costume par rapport au contexte. Oui, c'est vrai qu'il est bien amené. C'est ça le problème. Allez, on va passer sur le costume, on va passer là-dessus. Parce que on va commencer à tourner en rond sinon. Et puis on est déjà à plus de 30 minutes et on a encore beaucoup de choses à dire. On va passer au point suivant. Wilson Fisk est-il, et j'ose poser la question, le plus grand vilain du Marvel Cinematic Universe jusque-là? Oui, complètement. Pas besoin de débattre. Oui. Voilà. Pour moi, oui, clairement aussi. Non, quand même pas. Je pense plutôt. Enfin, je dis pas qu'il est un peu gentil encore, mais Bon, il a quand même éclaté une tête. Oui, voilà, il est pas voilà, t'as bien regardé les épisodes, au moins, avant de dire ça. Non, c'est mais enfin, voilà, il est complètement. Ah, si tu les compares aux autres qui sont quasiment pas développés, oui. Il avait peut-être pas l'ampleur d'un Thanos au niveau de la menace et de ce qu'il peut. Bah, voilà. Ouais, quelle voilà, ampleur mais... on voit quasiment jamais. Mais, enfin, franchement, il est incroyable comme vilain. Oui, il a. Non, il est bien parce que t'as le temps de le développer ou tout, mais est-ce qu'après il est aussi dangereux qu'un autre bah, il a... en spa, quoi. Je veux dire. C'est sûr qu'il est pas aussi dangereux que Thanos. Il a pas des, il a pas ses pouvoirs. Hein. Mais quand tu les compares, ils sont, il est aussi aussi monstrueux, aussi taré, aussi balèze que n'importe qui. Tu prends, n'importe quel autre méchant des films, ils sont pas développés, ils ont 10 minutes de temps d'antenne et encore Thanos on a pas eu autant dans toutes ses apparitions. Pour l'instant, c'est celui qui est. Parce que là, en plus, là sur la série, en dehors de Matt Murdock, c'est le personnage principal de la saison. Oui. Donc voilà, il est effectivement très très développé et il a une psychologie hyper complexe qu'on n'a pas l'habitude de voir chez les vilains, encore moins dans les adaptations de comics. Il a une psychologie tout court, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. D'accord, si tu veux. Moi, je dirais il a quand même une psychologie complexe qu'on a quand même. Couvrant l'accusateur, qui sert à rien. Oui, voilà, mais on a d'autres adaptations, on a quand même voilà. Mais c'est pas les Iron Man. C'est plutôt Loki qui pourrait être comparé alors. Non, mais je parle à d'autres. Je pense aussi à d'autres séries, hein, comme le professeur Wells dans The Flash. Il a quand même une psychologie. D'accord. Il a quand même un background. Il a quand même des choses. On peut aussi comparer avec ça. Donc effectivement, par rapport à beaucoup d'autres vilains, il a tout court une psychologie, mais par rapport à certains qui sont quand même bien présentés, il a une psychologie hyper complexe. Il est d'une violence incroyable. Il est imprévisible. D'une minute à l'autre, il peut péter un câble. Bah, le coup de la voiture, quoi. Ça y est, le mec a foiré son rencard avec Vanessa. Et alors là. D'ailleurs, j'étais un peu en retard sur toi, Arnaud, au moment où j'ai vu ça. Et je t'ai dit, putain, le mec, il va prendre cher. Il a gâché son rencard. Ah bah, tu dis, ouais. Je me retenais. Et ça n'a pas manqué, quoi. Il a pris cher, mais je pensais pas que ça pouvait être avec cette ampleur. Et... Ah ouais. Il a vraiment il déchaîne une violence, c'est incroyable. Et après, on le comprend avec l'épisode 8, qui est absolument magistral sur tous ses backgrounds avec son passé, etc. Mais ouais, enfin pour moi, on tient clairement un vilain immense. Je sais pas, Mulder, toi, ce que tu penses de ça? Sur le plus grand vilain de ouais, du ouais. Ben oui, très clairement. Moi, je pensais à Crâne Rouge ou à Loki dans le genre ampleur en fait. Mm-hmm. Pour Loki, il est plus pervers que Loki, je trouve. Ah oui. Loki, c'est un petit joueur. Hein. Ah bah oui, à côté, ouais. Non, mais c'est que la psychologie de Loki est plus développée dans les pour le moment en tant que développement de la psychologie, c'est le vilain qui est plus développé dans les films pour le moment. Et le Kali. J'ai été adopté, je suis méchant. et Wilson Fisk est plus développé et encore plus complexe que ça. Et après c'est Crâne Rouge à qui j'étais en train de penser qui lui a vraiment une aura à laquelle Wilson Fisk renvoie un petit peu. Mm-hmm. Il y a un petit charisme en fait de grand vilain qui fait penser à lui. De toute façon dès sa première apparition devant le tableau dans l'épisode 3, enfin voilà, on a compris qu'on avait affaire à un sacré bonhomme quoi. Oui, mais les introductions de tout dans la série, les introductions sont superment réalisées, réussies, il n'y a pas une seule fausse note dans les premiers épisodes. Allez, on va enchaîner, parce qu'on va vraiment sinon finir par être vraiment, vraiment trop long, malheureusement. On va parler maintenant des clins d'œil. Les clins d'œil aux comics et au MCU, ils sont légion. Hein. Il y a d'ailleurs un moment, en faisant un article, j'ai montré une photo de Ben Urich en disant « Mais si, vous le voyez, il est au milieu des easter eggs, il est bien caché. » Quand on voit dans son bureau tous les trucs, c'est incroyable. Lesquels vous retenez comme ça, rapidement? Stanley. Ah oui, c'est vrai. Il fallait le trouver celui-ci. Hein. Oui, ouais. Oui, je me souviens. Sur un mur, au fond. Je l'avais raté, hein. Je l'avais clairement raté. Moi aussi, c'est en lisant un article. Ah bah non, c'est pas ce que je pense. Non, c'est dans le final, dans le commissariat, il est sur une photo. Ah non, c'est 3 ou 4. Non, c'est dans le final. C'est pas quand il lit pas un article à un moment? Non, ça c'est dans Agent Carter, mais c'est pas grave, Clément. C'est pas grave. Oui. Ça reste le MCU. Non, c'est il est son portrait est attaché sur un mur à l'entrée du. Dans un commissariat, dans le final. Ouais, c'est dans le dernier épisode, moi. Ouais. Pour moi, c'est dans le final. Mais bon, c'est pas grave. On n'a pas le temps. quels autres clins d'œil retenez-vous? La bataille de New York. Iron Fist. Iron Fist qui est très présent. Des symboles. Hein. Il est vraiment très présent au niveau des symboles, etc. Et puis avec Madame Gao aussi qui a l'air d'être liée aux cités éternelles. Je crois que c'est Il y a Hulk aussi. Oui, aussi. Il y a Hulk, évidemment, avec l'article de Ben Urich. Enfin, voilà, il y a énormément, énormément de clins d'œil. Et Civil War aussi, avec l'affiche dans le commissariat. L'affiche dans le commissariat, et en plus, c'est un homme en violet sur cette affiche. Donc, ce qui pourrait faire penser à Jessica Jones, avec le Purple Man. Enfin, voilà. Iron Man, Thor aussi. Oui, parce que voilà, il suffit pas d'avoir un marteau ou... Il y a plein de trucs sur... Magic Hammer, Armure Suit. Enfin, ça, c'est pour la VO, ça. C'est ça. Une armure ou un marteau magique. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Qu'est-ce que j'ai retenu, moi? Oui, les cités célestes. Ouais, c'est pas les cités éternelles, c'est les cités célestes. Ça me revient. Electra. Ah oui, la fille grecque, effectivement. L'ex-grec dont parle Matt Murdock dans l'épisode 10, quand on voit les flashbacks avec Foggy. À un moment, ils sont dans la rue et ils parlent de son ex-grec, etc. Bah, c'est Electra. Ah, d'accord. Et est-ce que je suis le seul aussi à avoir pensé à la saga sous l'œil du diable, je crois, de Joe Quesada avec l'histoire du gamin avec Sick? Oui, mais maintenant que tu le dis, ouais, effectivement. Évidemment, Agents of S.H.I.E.L.D. avec le clin d'œil à l'Absorbing Man, mais aussi au pensionnat de Sainte-Agnès. Oui, ah, où il y avait Sky. Hein. Sky a grandi dans le même pensionnat que Matt Murdock. C'est quand même important. Donc voilà, bah, plein de choses. Le nom de Mike qui peut faire référence aux faux jumeaux de Matt Murdock. Enfin, c'est incroyable. Il y en avait un autre. Ah oui, moi, celui que j'ai vu... Le premier que j'ai vu et pour lequel j'ai tiré mon chapeau, je l'ai pas vu dans les articles qu'on peut voir ici et là, c'est le Kingpin. Il a jamais été nommé le Kingpin, à aucun moment. Non. Il a été nommé de manière indétournée quand Ben Urich accroche un King sur le panneau avec une pin, avec une punaise. C'est le Kingpin sur le tableau. Il allait chercher loin. C'est clairement une référence. C'est quand on le voit qui affiche son tableau, qui met tous ses trucs dans l'épisode 3, 4, je sais pas. Enfin, c'est quand on commence, c'est les débuts de l'enquête de Ben Urich. Et il y a une carte avec un point d'interrogation. Et il pine le King. Ah oui, il met une carte du King. Oui. Une carte sur un tableau avec une punaise. Donc c'est le King pinned. Et c'est clairement une référence là. Je me suis dit, c'est incroyable d'aller jusque là. Et puis on a Bullseye quand même. C'est réellement lui. Ce sniper avec la carte. Ah, je sais pas. Le flic, c'est lui. Il y a un flic qui est sniper à un moment. On connaît toutes les capacités de Bullseye au niveau de la visée, du tir avec les armes comme ça, etc. Et ce mec-là tient une carte de l'as de pique, qui est le symbole quand même de Bullseye. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que parmi les flics, il y aurait pas un Frank Castle ou un clin d'œil à Punisher? C'est parce possible. Que vu comment je crois que c'est Stephen DeKnight, qui est super chaud pour Punisher. Pour le Punisher, c'est possible. Des choses sur Punisher également, enfin, il y a tellement de choses. D'ailleurs, le personnage de Stone aussi, avec à la fin de l'épisode sur Stick, ce serait Stone. Donc, enfin voilà, il y a tellement de choses. Ah, pour l'instant, je crois que c'est beaucoup de clin d'œil sur la. Je crois que c'est la mafia, non? La main, c'est quoi? Oui, la main. Oui. La main avec, avec Nobu, hein, qui oui. porte un prénom qui ressemble forcément, fortement au prénom de celui qui a fondé la main, qui s'appelait Kagi Nobu, je sais pas comment, un truc comme ça. On va enchaîner avec deux autres dernières petites questions avant de conclure. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une saison 2 et qu'est-ce qu'on peut attendre des prochaines séries de Netflix après avoir vu ça? Moi, je dirais, comme ils l'ont introduit, le passé de Karen. Ouais. Je pense qu'ils vont en parler. The Hand, sans doute, puisque c'est aussi abordé dans l'épisode 7. Hein, ouais. Et puis dans l'autre, avec Nobu. Peut-être le retour de Vanessa pour se venger. Peut-être aussi, oui, ce qui serait en lien avec les comics également. Et pour Electra. Les autres séries, oui, Electra aussi. Bullseye, puisqu'il est plus. Bah, ça fait partie de tout ce qui tourne autour de The Hand. Mm-hmm. Après, pour les autres séries, je connais pas Iron Fist, donc je sais pas. Luke Cage, on a pas trop d'infos, je sais pas trop. Jessica Jones, j'ai rien lu sur Jessica Jones. Enfin, j'ai pas lu les comics, mais j'ai lu les Ce que je sous-entends avec ça, c'est est-ce que après avoir vu Daredevil, votre hype sur les prochaines séries a fait un bond ou pas? Oh oui, oui, bah oui et non. Oui, oui. Ils sont capables de faire un truc génial comme Daredevil, donc oui. Mais comme je connais pas soit je connais pas beaucoup les personnages ou pas du tout, je suis moins emballé. D'accord. Mais je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de génial qui va m'emballer. Byron? Pour la saison 2, un peu tout ce que vous avez dit avec Bullseye, j'aimerais encore voir beaucoup la main, parce que j'ai trouvé les épisodes justement un peu sur Ninja vraiment cool. Ouais. Et après, ben justement, pour continuer là-dedans, j'attends vraiment à mort Iron Fist pour le coup, du coup. Parce que je me dis que ça va y a vraiment moyen de faire. J'avais déjà une sacrée hype là-dessus, en dehors de toutes les blagues liées à Clément et ce personnage. J'avais une putain de hype sur Iron Fist, et là, je boue là. C'est vraiment la série que j'attends le plus, peut-être plus que Jessica Jones. Ce sera la dernière. Ouais, bah, j'ai de la chance. Et toi, Mulder? Moi, je suis super chaud pour voir les suivantes. C'est surtout par rapport au MCU, à l'univers Marvel, tel que c'est développé là. Étant donné que The Defender, on doit l'avoir normalement en parallèle avec Civil War, on l'aura bien après. Ah oui, Ça sera plutôt avec Infinity War. En parallèle avec Infinity War. Vous êtes sûr? Niveau temporalité, oui, ça sera 2018, 2019. Jessica Jones, ça sera 2015-2016. Luke Cage, 2016. Iron Fist n'a pas annoncé, mais peut-être 2016-2017, donc Defenders 2017-2018. Plutôt 2018 pour Defenders, on est parti après. Ah ouais, c'est le problème, c'est que Daredevil, normalement, vu la temporalité du truc, ça devait être situé au moment de Captain America numéro 2. Vu là, c'est l'impression que c'est juste après. Daredevil, ça a été annoncé que les événements se passaient avant Avengers 2. Juste avant, ouais, puisque il y a. Donc, non, le niveau temporalité, on va plutôt avancer à. Les séries vont sortir et vont avoir une temporalité qui se situera à la même époque que les films qu'on viendra de voir. Enfin voilà, ça sera plutôt calé à mon avis. Puisqu'il y a une petite rumeur des Defenders qui serait peut-être dans Infinity War. D'accord. Voilà, partie 2, oui, partie 2. Donc voilà. Alors, c'est plutôt comment ils vont développer tout ce qui concerne Lama ou Elektra ou Bullseye à travers les 4 séries peut-être. Oui, ou à travers une saison 2, parce que moi j'attends clairement maintenant une saison 2. Ah bah oui. Et pas forcément aussi loin qu'après Defenders, hein, elle peut très bien arriver avant. Donc on verra. Dernière question, et c'est une question qui m'intrigue et voilà. On a quand même beaucoup lu de choses sur le net, sur Twitter notamment, qui s'est vraiment emballé les 2-3 premiers jours après la série. Ce qui peut laisser tendre un gros succès de la série, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de succès public en sachant qu'on n'a aucune donnée en termes d'audience? On ne sait pas. Il y a une donnée sur le téléchargement illégal. Ah oui, c'est la série la plus téléchargée illégalement derrière Game of Thrones. C'est la plus téléchargée, ouais. C'est quand même un comble quand tu sais tout le dispositif qu'il y a avec Netflix pour avoir un petit truc gratuitement, quoi. Alors que il y a encore des mecs qui vont télécharger illégalement. Ça les dérange pas parce que ça peut quand même très bien fonctionner. Oui, Game of Thrones est la série la plus téléchargée, pourtant, et ça a été un record d'audience. Et l'épisode a fuité de la veille. Mais c'était un record d'audience. Oui, mais voilà, c'est plutôt un bon signe, effectivement. Mais le fait, effectivement, enfin, moi, ça me manque vraiment de savoir combien de personnes ont regardé la série le premier jour, de savoir si ça a eu un impact sur les abonnements ou sur les inscriptions du côté de Netflix. J'ai envie de te dire que tu sauras jamais. C'est chiant. Netflix ne dévoile absolument aucune information. Donc, juste le nombre d'abonnés qu'il y a ou de, qu'il y a par an, je crois. Mais à partir de lequel, sur les données sur leur série, ils n'annoncent rien. Ou alors, des fois, ils te disent 2-3 choses comme Orange is the New Black a mieux fonctionné que House of Cards, par exemple. Mais pas de chiffres. Bon. Voilà. Bref. C'est quand même une question qui mérite d'être soulevée et ça me... Non, tu sauras pas. Oui, succès, parce qu'effectivement, gros engouement critique, gros buzz sur Internet, sur Twitter, etc. Mais du côté du grand public, voilà. Moi, en dehors des personnes dont je sais qui aiment les comics, etc., je n'ai entendu personne me dire j'ai regardé Daredevil sur Netflix, tu vois. Ben, pourtant, je vois beaucoup de choses sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Tout le monde essaye la série. Dans mon entourage, hors Twitter, hors sphère. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de séries, moi, dans ton entourage? Ouais. Oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui te parlent de films, de comics qu'ils regardent ou de séries de comics? Oui. Et personne là te parle de Daredevil? Là, personne ne va parler de Daredevil. Encore. C'est défendu à DC. Donc, je sais pas. Bref, enfin bon. C'est tout le contraire. Moi, j'ai des personnes qui ne sont pas très très Twitter, très Facebook, très Netflix, très machin, et qui m'ont parlé comme ça spontanément, étant donné qu'ils savent que moi, je suis plutôt porté sur la chose, que tiens, il y a un truc qui s'appelle Daredevil qui est sorti. Bah moi aussi, justement, je fais la remarque en me disant, bah tiens, il y a Avengers, tu vas aller le voir là la semaine prochaine. Ouais. Mais personne m'a dit, oh tiens, t'as sûrement vu Daredevil, je sais pas quoi. Non. Surtout que c'est la première série que je vois, Daredevil, c'est quand même la première. Est-ce que Netflix fait souvent des bonnes annonces à la télévision? Parce que c'est quand même la première série que je vois. Ah, j'en ai vu quelques-unes pour Orange is the New Black, pour House of Cards, des trucs comme ça, si j'en ai vu. Moi qui regarde pas souvent la télévision. Ils ont fait une grosse promo aussi dans les villes. Hein. Genre, si à Paris, à la gare du Nord, t'avais un mur entier du métro qui était à l'effigie de la série. Et il y avait aussi des trucs dans la ville. Et dans plein de capitales du monde et d'Europe, t'avais des dessins type street art sur la série. Mmh. Je pourrais demander un truc. Est-ce que ça vous a gêné d'avoir le visuel du costume, et genre un jour avant le lancement de la série? Oui. Non. Moi, non, j'ai préféré avoir la surprise. M'en foutais. Non, parce que j'ai pas regardé, et de 48 heures avant le lancement de la série, j'ai muté Daredevil sur Twitter, donc je n'avais rien du tout, donc j'ai pas vu de photos ni rien, donc non, ça m'a pas dérangé. D'accord. C'est con de Je pense que j'aurais été encore plus déçu. C'est con de Netflix, on changeait la photo sur leur site, et maintenant, au lieu que ce soit l'affiche de Matt Murdock avec les mains ensanglantées, ils ont mis la photo du costume. Ouais, enfin bon, bref. Allez, je vous presse un petit peu parce qu'on a encore une chose à faire, c'est la note. La note, vous allez donc me donner chacun à votre tour une note sur 5 pour la série, une note globale. Et vous allez également en même temps me donner quel est l'épisode que vous avez préféré de cette saison, donc parmi les 13. Et on va commencer dans le même ordre que tout à l'heure, Clément. 5. Ok. 5. Alors le meilleur épisode, moi j'avais beaucoup aimé l'épisode où... Il y a un face-à-face entre Matt et Nelson. Foggy. Et Nelson. C'est le 10e. Ouais, le 10e, j'avais beaucoup aimé. Ok. Ensuite, Byron. Je mettrais 4. Parce que, l'épisode final, le coup du, par exemple, je te tape et ça fait des étincelles sur mon costume, enfin, des trucs comme ça, ça m'a un peu vraiment déçu. Mais sinon, tout le reste, c'était vraiment super. Et l'épisode que j'ai préféré, je ne sais pas le numéro, mais. Je dirais peut-être celui avec Stick où tu vois vraiment il est en plein milieu de la saison mais Moi c'est celui que j'ai pas aimé. C'est le moins bon que je trouve. Il était cool, c'était pas ça casse toute la narration de écoute à la rigueur ça peut se comprendre. Bah c'est une série télé c'est une série télé en même temps tu peux avoir des launers en plein milieu. Oui mais quand pendant 6 épisodes on te fait un truc ultra feuilletonnant, on vient te casser tout le truc avec ça que tu vas plus entendre parler. Et en plus je te l'avais dit en le regardant, je t'avais dit tu verras cet épisode, il aura pas de lien avec la fin de saison mais c'est un épisode qui va être important pour la suite de la série dans les saisons 2 et compagnie. Parce que je m'étais énervé. C'est sûrement pour ça que Byron l'a aimé, c'est parce que ça nous annonce, ça nous appâte sur plein de trucs. Mais oui, il y a tellement de possibilités après avoir vu cet épisode, et même tu le regardes comme ça, c'est presque en one shot quoi, tu peux. C'est pour ça que j'ai bien apprécié parce que mon système de visionnage un épisode par jour, moi j'ai pas vu de rupture moi. C'est juste un épisode comme ça. Il y a quand même une rupture puisque ça n'a rien à voir avec le reste de l'histoire. Ouais. On enchaîne sur les notes épisode préféré Mulder. Je mettrai 4, mais c'est juste pour avoir de la marge avec les prochaines séries. Parce que si je mets 5 tout de suite, ça va pas aller plus tard. D'accord. Et ton préféré d'épisode dans les 13? Je crois que ça s'appelle Condamné, je crois, le 5e. Condamné, c'est le 6e. Quand il est poursuivi par toute la police, que t'as Wilson Fisk qui essaye de faire passer lui pour le méchant, enfin, c'est okay. Celui-là? Oui, c'est ça. C'est d'accord. Arnaud? Je vais dire 4,5, parce que je suis plus enthousiaste que Byron, mais il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangé, notamment les deux premiers épisodes, surtout le pilote que j'ai pas aimé, et puis d'autres trucs que j'ai pu dire tout à l'heure, et puis je laisse aussi une marge pour la suite. Et pour mon épisode préféré, comme Mulder, le 6e, Condemned, j'ai beaucoup aimé, parce que justement, ça brise avec ce qui a été fait avant, mais ça reste dans la continuité. Et c'était très intéressant, oui, de le voir pourchassé par tout le monde, les gens qui pensent que c'est un terroriste. Et c'est là, on a le premier face-à-face, plus ou moins, avec Fisk. C'est pas un face-à-face en vrai, mais ils se parlent tous les deux au téléphone. Oui. C'est la première confrontation. Je crois que c'est la première fois aussi, tu vois, les premières dynamiques de tous les personnages à présenter qui sont en action. T'as Claire Temple qui est dedans, t'as tout le monde qui est dedans, en fait. Et je vais terminer sans aucune retenue en donnant 5 à la série sur 5, sans aucune retenue ni aucun scrupule. J'ai pris une claque incroyable. Cette série renvoie au vestiaire toutes les autres séries adaptées de comics. Ils peuvent aller revoir tous leurs copies et donne en passage même une leçon à certaines adaptations du cinéma. Donc c'était vraiment incroyable. Et puis voilà, c'est aussi une expérience de l'avoir vu comme ça toute la journée. Enfin voilà. Complètement. Le contexte a aussi aidé à tout ça, mais vraiment. C'est... Totalement d'accord avec toi. C'est incroyable. Enfin, moi, c'est la première fois vraiment que j'ai fait un watching d'une série, que je l'avais jamais fait. C'est vraiment un truc à tenter avec la bonne série, on va dire. Voilà. Et je ne suis pas sûr, je ne garde pas de marge par rapport aux autres séries parce que d'une, c'est Daredevil, c'est un personnage que j'aime beaucoup et en plus, je ne suis pas sûr que les autres réussissent à atteindre un tel niveau. On verra, mais voilà. Pour votre note à vous, lecteurs et auditeurs de Comic Stories, puisque vous avez également voté sur la question de la semaine, on est vraiment très en retard, donc je ne donnerai pas d'autres détails en dehors du fait que la moyenne que vous avez donnée à la série, en arrondissant, on va dire, au dixième, est de 4,6 sur 5. Vous êtes grosso modo entre 2/3 et 3/4, je ne sais plus exactement, à avoir donné 5 sur 5 à la série. Voilà. Donc c'est un vrai plébiscite parmi vous. Ce qui fait une moyenne de 4,58, c'est-à-dire un tout petit peu plus que ce que Kingsman avait obtenu. C'est dire si la barre est encore placée très haut cette fois. Allez, on va conclure cette émission en vous donnant les prochains rendez-vous. Mardi prochain, le mag numéro 13, et puis jeudi prochain sur nos écrans numéro 13. Et un autre débrief de la semaine qui s'annonce épique, puisqu'on vous parlera d'Avengers Age of Ultron. D'ici là, bonne série, bon film, et à bientôt. Salut. Salut.